Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Gradure. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec Gradure, notre invité. Entre 20 et 21, on découvre Gradure sur Skyrock. Avec le hashtag Gradure sur Skyrock, vous balancez aussi tous vos messages. Allez-y, ça y est, il est là, il vient d'arriver dans le studio. Comment va? Ouais, c'est cool, et toi, Fred? En pleine forme? Ouais, ça va. J'ai vu, j'ai rejoint le Shaggy Squad. Au Shaggy Squad, c'est bien bon. Avec ce joli t-shirt offert hier, merci à vous. Il manque plus que le fit maintenant. Ça arrive, ça. J'ai pas brisé ta carrière qui est bien partie pour l'instant. Ne m'en veux pas, mais je vais peut-être décliner. Hein. D'accord. On en reparlera un peu plus tard. Pour la vidéo des tractions, alors. Ouais. Fin de semaine. Bon, calme. Laisse-moi encore un petit peu de temps pour m'entraîner. Vas-y, parfait. Bon, tout va bien? Ouais, c'est cool. L'air du Nord ne te manque pas trop? Non, ça va, on est qu'à 2 heures. Oui, c'est vrai, en même temps, c'est vite fait. On est qu'à 2 heures, c'est à côté. On salue d'ailleurs nos amis de M, Roubaix, voilà, Lille, Roubaix, Tourcoing, ouais, Lille. Ouais. Et partout, quoi. Partout dans le 5-9. Bon, il y a l'équipe du Shaggy Squad qui est argent aussi, hein, voilà. Qu'on peut saluer. Mm-hmm. Qui était là hier. Peut-être aussi d'autres invités ce soir. Je sais pas ce que tu as prévu dans l'émission. Voilà, aujourd'hui, je vais faire découvrir un peu mes poteaux, mes Shaggy. Les Shaggy? Ouais, voilà. C'est mon Shaggy Squad, c'est mon équipe. Et donc, elle est composée de Nida, NYDA, en provenance du 5-9, Nouveau-Roubaix. Et à sa droite, c'est Bra Bra. Bienvenue, ça va? Ça va, quoi. En pleine forme, écoute. Ok. On est prêt pour passer une heure avec vous, avec Gradure. Voilà, parfait. Il y a Bra Bra 9-3 et il y a Kaïbs aussi. Ah. Kaïbs du 5-9. Voilà, qui est là aussi avec nous entre 20 et 21. Voilà. Avant d'attaquer l'émission, on va se rappeler, si tu veux bien, ce qui s'est passé hier soir. Petit replay d'hier soir. Vas-y, parfait. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. C'est reparti pour une nouvelle semaine avec celui dont on entend parler partout sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois maintenant. Il est là avec nous entre 20 et 21 toute la semaine, Monsieur Gradure. Bien bon, Fred, ça va ou quoi? Et toi? Au calme, ça fait plaisir d'être là. Prêt pour le feat? Ouais, je suis prêt. Tu m'as dit en arrivant, moi d'entrée de jeu, je veux kicker, je veux faire le live. Vas-y, je vais faire un live direct. Régiment, j'avais mon fameux Mili. Et au checker, j'avais mon 762. Avant mes chèques, ils se battaient pour des billes. Maintenant on se fume pour des litrons de beurre. Crachez pas la ramasse des yeux doux, yeux doux. Ta pétasse nous fait les yeux doux, yeux doux. Mes chèques vont niquer ça te chaque. Elles sont moundé les mondibou ou mouindou. Mon négro corps rafale, ça fait pa pa pa. Gradure validé par Skyrock, alors pa pa pa. Planète Rap. Il y a eu des groupes ou des artistes voilà, qui t'ont mis des claques rapologiquement parlant? Ouais, il y en a plein. Quand j'étais petit, c'était les Booba, les Rov que j'écoutais, Alpha 520, c'est des gens qui m'ont motivé, ça livre, plein de gens. Moi, je kiffe le rap depuis petit en fait. Donc ça veut dire que j'écoute un peu de tout, ce soit rap français, rap quinri, R&B, tout. Planète Rap. Si c'est pas pour du pif ou la daronne, c'est guérant, on que bloc. On s'en bat les couilles du rap, si ça marche pas, négro, bon, tombé d'eau. Planète Rap. Pour faire mieux connaissance aussi avec toi, mais j'ai relevé différentes choses sur le net, donc tu me dis vrai ou faux. D'accord. Vrai ou faux, ton bob te vient de tes années passées à l'armée? Ouais, c'était mon chapeau de brousse. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Non, mais l'homme au bob, parce que c'est aussi le nom de l'album que tu prépares, qui viendra un petit peu plus tard, l'album. Ce délire avec l'homme au bob. Ouais, j'aime bien le bob. Bon. J'aime bien le bob. Et en même temps, dans le Nord, on a souvent besoin d'un bob. Radio validé par Skyrock. Rapper pour moi, c'est trop facile. Pectoraux durs comme des fossiles. Mais le best, ça casse les couilles. Tous les rappeurs et groupies et putain de lèche qui me fatigue. C'est quoi qui t'intéresse, chérie? C'est ma bite ou mon buzz, mon shit ou ma buzz. Je crois que cette salope, elle veut un putain de vite avec ma gueule. Rejoindre en bas ma gauche. Une infinie milliardoise. Grosse tasse, mais à ma gauche. Forcément, gros, fais le magro. Parce qu'il y a une punta cala. Des négros, je les calme. Des rebeux, je les calme. Planète rap, on calme. Planète rap. Continue, pas de ce qu'elle demande en fuite. Voilà, ça c'était hier soir, donc grosse ambiance. Bien bon lourd. C'est les lives bon sont dispo sur Skyrock FM. Hein, un moment, on peut y aller, on peut aller cliquer sur le blog de Planète Rap aussi pour retrouver les lives d'hier soir dans l'émission. Bien Est-ce qu'elle est dispo cette fameuse mixtape gratuite? Non, ça arrive. Ouais, parce que tu sais que moi j'ai eu des tonnes de messages. C'est vrai. Mais quand est-ce que ça arrive? On a été voir sur le site. C'est un site qui s'appelle Haute Culture. Haute Culture. Voilà. Comme auteur. H-A-U-T-E. Et culture comme culture, tout simplement. Voilà, tout simplement. .com, donc elle arrive. Ça arrive dans ce soir ou d'ici ce soir ou demain. Eh ben allez-y, donc vous pourrez cliquer dès ce soir et retrouver donc les 10 Chegué. Voilà, les 10 Chegué, freestyle que tu as quelques fait. Inédits et des frères à moi du 5-9 aussi qui sont là, de Roubaix, de Tourcoing, de Lille, j'ai tout mis. Allez-y aussi avec le hashtag Gradure sur Skyrock, toutes vos réactions au message et puis au Planète Rap de Gradure. On débute avec un morceau ce soir ? Ouais, on commence par quoi ? Ah, c'est la question. Non, on va commencer par Chegué Squad. Ah, le Chegué Squad. Qui est son du Chegué Squad ? Ça, c'est un morceau qu'on a balancé hier, ouais. Celui-ci. Non, non, celui-là, non, c'est un nouveau. Ah, c'est un nouveau celui-ci ? C'est un nouveau. Ah, c'est un titre nouveau inédit ? Voilà. C'est le titre du groupe. C'est pas terrible. Chegué Squad, vas-y. Et bon, on y va, Chegué Squad, lors du site au platine. C'est parti maintenant sur Skyrock. If she ain't fucking, she got to go. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Tell them don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. No. Tell them don't waste my time. This man ruffling down my phone. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. No, no, no. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. Tell them don't waste my time. No, no, no. On arrive dans le pour baiser le game. Sur la route, tu peux l'enfer en détail. T'as 35 biches, tu auras pas dans les temps. Non, négro, c'est trop grave. C'est un scandale que tu peux parler d'art. Je te rentrerai ma bite et calibre dans ton trou de bol. Bite et calibre dans ton trou de bol. Même tes billets, je sais qu'ils sont pas taille. Putain, rejoins devant ma gauche. 9 millimètres à droite. Cette salope elle boite. Entrée avec mon famage la droite. Barbeau qui vit dans son QS squad. J'ai fait mon daron par le pas cru en nous. Dis-leur c'est le Chegué Squad. On va retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Chegué Squad. On va couper les trous de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Je vais faire malade, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Toujours présent pour les niquer sur le beat, dealer c'est le Chegué Squad. C'est le Chegué Squad. Ils veulent tout sucer notre but, on est des killers, on va tout plier des gars. On va tout plier des gars. Les négros sont pliés, veulent des billets, donc on débiter des kilogrammes. Débiter des kilogrammes. Ouais c'est quoi les bails bâtards, j'ta face de la décale où j'fais un drame. Tu gagnes ou t'es propre, tu suces ou tu croques. T'as su ou t'as pas, bitch. Cata, tu suis ou t'es score. Les corps, tu michetonnes, salope, t'es trop conne. J'suis à jeun, et ton café a des sous. Et tous ces fils de pute, je les pêche, j'parque mes patins. Et j'en veux les rendre fous. Dis-leur que je suis plus chaud que la brève. Bâtard, on parlait, on pas cru en nous. Tout le monde, dis-leur c'est le Chegué Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Chegué Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Faire malade, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Casse la monnaie comme un rapi. J'ai caché la bœuf dans le fut à Taraki. Araki vient pas fumer sur mon paki. Mais j'ai aidé son prêt, rey demande un paki. Vicieux, déserre la peuf dans ton sachet. Faux chèque de banque, genre un gamme aussi j'achète. Baveux et j'laisse qui le parquet, c'est parfait. T'es pas prêt, regarde nous débouler en paquet. Ouais mon égo, genre de tôle. Ouais mon repêche, j'me refais, j'ai la gaule. Me rap, tasse dans la pion. Rafa si tu me jettes un sroll. Versatier, Versatier, Versatier, c'est pas notre faute. Y'a d'abord des sachets. Ray, où elle est si par ici, tout s'achète. Ils se rachètent des couilles, c'est pédé, faut que vous le sachiez. C'est bâtard, on parle, on pas cru en nous. Chegué, dis-leur c'est le Chegué Squad. On va vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Chegué Squad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Chegué Squad. J'ai voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Chegué Squad. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Raté. Chegué Squad. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Donnez des. Chegué Squad. Dis-leur c'est le Chegué Squad. Coup de main, c'est un tour. Vouloir nous tester. Attendez quoi je loue. Où ça peut chiter la peu. Les négros on les pose vite. Quand faut couper la voix en deux. Ils veulent faire les super héros. Chez que je vais les mettre hors jeu. Pas dans le ciné, plutôt dans le pleura, ils vont halluciner. Bateau dans l'homme au plateau, mieux ce sera le guiné. Squat, squat. Putain, je rallye, direct son belly, j'pilote sans permis. A 86, je rase à Vini. C'est que t'as dit, big up à Koshi. Fuck it, she got to go. Dis-leur, c'est le Shaggy Squad. Police wanna stop me, search my clothes. Dis-leur, c'est le Shaggy Squad. If it ain't money, I ain't involved. Shaggy! This man ruffling down my phone. Tell him don't waste my time. Squad, Sacteur, Chouadère, Nouveau Roubaix. Ouais. T'as enfermé. Le Shaggy Squad à l'instant sur Skyrock. Shaggy Squad, ma toute équipe avec Gradio autour de toi. Ils ont tous faim, ils ont tous faim. Vous êtes nombreux dans le Shaggy Squad? Il y a du monde? On est 4 pour l'instant. Après, on est beaucoup, mais on est 4 à rapper pour l'instant. 4 à rapper, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On peut partir pendant une heure hein, sur les bacs. Vu comme tout le monde est chaud ce soir. Ah, ils sont chauds. Il y aura du live ce soir, Gradio. Il y aura du live. Il y a Nida qui va faire un live. Il y a Kaïps aussi. Il y a Brabra aussi qui va jouer son là. Donc après, bon, peut-être je vais faire un petit freestyle. Ouais, on verra. C'est entre 20 et 21 dans Planète Rap à découvrir Gradure. Hier, on le disait, évidemment, tu viens du nord de la France. Mm-hmm. On a parlé aussi rapidement et puis t'en fais allusion. C'est ce que je disais dans les morceaux de l'armée. Ouais. Donc chaque mardi, je fais un petit quiz. Ça va être le quiz militaire. C'est vrai. Quiz militaire, Gradure, ce soir pour toi. Donc c'est avec ton équipe, ceux qui ont la bonne réponse peuvent répondre. Hein. C'est un quiz sur très simple. Vas-y. Par exemple, dans le quiz militaire, c'est des expressions typiquement de l'armée. C'est vrai. Donc il faut me donner la définition. Par exemple, grailler. Grailler, c'est manger, non? Non. Non. Oh, c'est grailler, c'est mettre des balles dans le chargeur. Mon gars. Bravo, un point pour Gradure. Bravo, un point d'entrée de jeu. En effet, c'est approvisionner son chargeur. Ouais, c'est ça. Après, ça c'est pour ceux qui sont plus dans l'armée de l'air. Limé. Attention, limé. Ouais, ça je connais pas. C'est voler vite et très bas. Voler vite et très bas. Voilà. Donc ça, c'est... Est-ce que tu sais ce que c'est une pucelle dans l'armée? Une pucelle. Je sais pas. Est-ce que tu as croisé des pucelles dans l'armée? Des pucelles, ouais, il y en avait plein. Même des puceaux aussi. C'est l'insigne du régiment métallique mis sur la poche droite de la veste. Mmh, voilà. Un petit truc à gauche. Ah merde, ils m'ont dit à droite, moi. Donc, c'est vrai. Toi, tu le mets à droite à gauche. Moi, je le mets à gauche. Ok. Quand tu as un saucisson ou un sauce-bac, t'as déjà eu des saucissons à l'armée? Ouais, ou pas? C'est ça. C'est sur le terrain, ça. C'est quand t'es sur le terrain. T'as que des rations, mon frère. Tu galères. Ça fait 30 jours que t'es dehors. Tu dors dans un trou de combat. T'as ton petit sauce-bac. Tu vois, sauce-bac à l'âle, on le dit. Les longues capotes. Tu sais ce que c'est dans l'armée ou pas, les longues capotes? Les longues capotes. Non, ça non. C'est le surnom qui est donné aux fantassins. Fantassins. Voilà. Okay. Moi, j'étais en artillerie, moi. Donc, je connaissais pas les longues capotes. Voilà. Et enfin, dernière expression du quiz militaire, l'as de carreau. Non, je connais pas ça. C'est le sac de soldat de l'infanterie en référence à la forme carrée du sac. D'accord. Voilà pour ce petit quiz, pour ceux qui veulent s'engager dans l'armée, allez-y, signez. Il n'y a qu'à signer. La Gradure, il est avec nous, non pas pour parler armée, mais plutôt rap, puisqu'il y a un projet qui arrive là dans quelques heures. Mixtape gratos. La mixtape Che Guevara qui va réunir tous mes freestyles Che Gué, ainsi que quelques inédits, des sons de Nida, de Brabra, de Kaïbs, de MCG, de Midos, de Krillino, de plein de gens, du 5-9, de ZKR, de Adil, de 59 grammes, de plein de gens, et ça va être lourd. Voilà, puis ça rap, c'est aussi le moyen aussi de mettre en avant tout voilà, ce qui rappe dans le 5-9, dans la région. En avant tout le 5-9, ouais. Le Malakai, Skizidi, Bronx, et tout le reste que j'ai oublié, les LAL Business, les Boumara, Kamos, Amima, on est tous ensemble, mes frérots. C'est ça, on va faire avancer le 5-9. C'est un truc qui est important pour toi, justement, de mettre en avant. Moi, c'est important, parce que j'ai de la lumière. J'ai de la lumière, donc il faut que je me serve de ma lumière pour essayer d'éclairer les autres. Est-ce que d'ailleurs, quand toi t'as commencé le rap, tu dis bon, bah, je viens d'un quartier qui aime Roubaix. Mm-hmm. C'est-à-dire, est-ce que ça a été un peu plus compliqué pour percer? Est-ce que t'avais ce doute aussi? Non, en fait, j'ai jamais voulu percer. C'est vrai? Tu vois, j'ai jamais voulu percer. J'ai fait un son pour rigoler, j'en ai fait un deuxième. Et je prenais du plaisir à chaque son, en fait. Tu vois, je suis un mec, j'écris mes sons des fois en 15-20 minutes, hein, je te mens pas. Tu peux demander à Nida, il est à côté. Je suis chez moi. Toi, c'est quoi plutôt? Ouais, en studio, t'as besoin d'avoir le son, d'avoir. Oh, je suis chez moi, je suis chez moi. Je suis même petit joint. Maintenant, je m'aime même plus, je fume plus. Je suis plus dans la voiture aussi. Voilà, je suis dans la voiture, j'ai rien à faire. J'écoute une instru, boum, l'inspi, elle me vient en 15-20 minutes, je finis ça. Et il y a des trucs que tu gardes en mémoire parfois où tu dis. Ouais, parce qu'à un moment, j'avais un Blackberry et comme j'ai cassé mon Blackberry avec l'iPhone, c'était difficile. Il y avait tous les morceaux dedans, il y avait tout un album, voilà, ou quoi là. Mais c'est pas grave, l'inspi, elle déborde. Mmh. Elle déborde. Donc là, ouais, ça peut venir à n'importe quel moment. Voilà, ça vient à n'importe quel moment. Et bon, on va écouter peut-être un morceau maintenant qui est venu, je sais pas, qu'est-ce que tu veux mettre? Je mets quoi? Shaggy 10? Ah, là il y a 4. Shaggy 4. Hein? Ouais, Shaggy 4 alors. Allez, Shaggy 4. Celui-ci par exemple, il a été fait rapidement. T'as un souvenir précis de celui-ci? Rapidement, ouais, c'était un petit souvenir. Moi, je vais pas trop en parler. Je roule un joint d'ouïd. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans le Shaggy Squad, on connaît les dossiers. Hein. Voilà, il y a des dossiers. Mais les dossiers sont bien gardés. Ouais, ils sont bien gardés. Ils sont dans le Shaggy coffre. Dans le Shaggy coffre. Pas de dossier à délivrer, rien à dire. Non, mais c'est Fuck Love. De toute façon, tu comprends, c'est Fuck Love. Tu vois? Quand ma fou fait partie, j'ai compris que l'amour se trouvait dans la recette. Et ouais, il se trouve dans la recette. Mon négro, fuck love, fuck love, fuck love. Faut que délover. Voilà, vas-y, leur dis ça. C'est parti. Grosse dédicace à Zakai. Tous mes frères enfermés, on est ensemble. L'autre fille, SMDP. Romain, l'autre fille, on est ensemble. Garde la l'autre fille, frère. Doudou. Pepe Ross, la cosa nostra. On est ensemble, frérot. Si. Tous les mecs enfermés qui nous écoutent, force à vous, mes chéguets, on est ensemble. Avec les matons qui restent, de toute façon. Force. Je roule un joint de weed, je repense à la haïtienne. Quand ma fou fait partie, j'ai compris que l'amour se trouvait dans la recette. Et ouais, il se trouve dans la recette. Mon négro, fuck love. Fuck love. Que des lovés. Si je roule en grosse dame négro, je crois que je vais fouffer. Si je continue à salement trapper, je vais les doubler. Que des femmes vénales cherchant la monnaie. Mais allige tous mes chiens de la casse en tant qu'aide de double bonnet. J'en ai rien à foutre du regard des gens. Ils parlent tous dans mon dos, mais quand ils me voient, ils sont tigeants. Je les traduis ceci, traduis cela. Je m'en bats les couilles tant que je donne à maman quelques cieux là. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. Négro. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trait. En régiment, on est ensemble, frérot. J'ai une grosse dédicace à Sandro. Je suis en chien, me dit quand j'ai du râle. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le trait. Et le colonel, si tu m'écoutes, on est ensemble. Si je m'en suis en chien, me dis quand j'ai du ralice. Mon 5-56 crache des balles aussi foutes que le muspé. Aussitôt j'arrive dans le game, aussitôt je vais séper. Bah ouais, je vais séper. Contrôler le réseau et c'est fait. Je vais prendre le game, lui mettre la fessée. Hey, va se laisser faire. Comme un soldat afghan, je vais sortir la calache. Camoufler ma ganache. Rap français, j'y ramène du panache. Top rap musique, pro black. Négro costaud, trapu comme des all black. Laisse les parler, négro. En 7-8 mois dans le game, négro, je vais me l'accaparer. Je sais que je peux percer, je sais que je peux crever. Tu sens d'esclaves dans mes cheveux, ouais, le chèque est trop vrai. J'ouvre mon cœur, je parle à cœur ouvert. Gradure du rap français, je suis la nouvelle découverte. Avec un FAMAS que je me sens bête, je me sens bête. Les haineux chaque été. Dans quelques mois, ils vont ramper. Planète Rock, Skyrock, fais du bruit. On en sent. Tous les fils de pute qui m'ont foutu à bordel. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Me disent quand je suis en chien, me disent quand j'ai du ralice. Mon négro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous les fils de pute qui m'ont poussé à bordel le trait. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Me néglige quand je suis en chien. quand j'ai du ralice. Big up aux vrais qui me soutiennent depuis le début. Force à vous, Meshégué. Depuis le début, on est ensemble. La mixtape gratuite, elle arrive. Hotculture.com. Force au Planète Rap. À Fred qui m'a invité, on est ensemble. C'est gradure ouais, toute la semaine. Bien bon. Dans Planète Rap, entre 20 et 21 avec le Shaggy 4. Inverzou. Qui va être dispo dans quelques minutes sur le site hauteculture.com pour retrouver le Shaggy avec des titres inédits aussi. Voilà. Et l'équipe du Shaggy Squad ce soir. Shaggy Squad. Qu'est-ce qu'on va passer dans quelques minutes comme morceau? On va commencer par Bra Bra. Bra Bra. Il y a les bleus. Il y a les bleus. Un gros son. Et le clip aussi qui va arriver bientôt. Et maintenant, il faut vous habituer. Chaque semaine, il y aura au moins un son, un clip. Si c'est pas moi, c'est Bra Bra. Si c'est pas moi, c'est Nida. Si c'est pas moi, c'est K-Ips. Et si c'est pas moi, il y en a encore d'autres. Et la route, elle est longue. Ah oui, chaque semaine. Voilà, chaque semaine, à peu près, on va essayer de balancer ça. Et bah, peut-être petite présentation quand même, un petit CV express. Ouais, Bra Bra, 93, 370, Montfermeil. Je suis là avec le 5-9 au calme. Si, si. Bah oui, on l'a dit, il y a une bonne connexion avec, ouais, avec Montfermeil. Très, très, très bonne même. C'est plus que le rap. Ça va plus loin que ça. Voilà. C'est la famille. Et donc, toi, t'as des projets, il y a des trucs qui sortent aussi, hormis. Ouais, là, il y a un clip, il doit sortir actuellement. Je crois qu'il va sortir dès ce soir ou dès ce soir. Demain. Ouais. Il est très, très lourd. Ce soir, faut aller le voir. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut pas attendre de date précise. Faut aller cliquer, faut aller chercher. Voilà, faut juste cliquer. Il faut suivre. D'ailleurs, on peut te suivre. Il y a les réseaux sociaux. On peut te suivre aussi. J'ai qu'un Facebook. Moi. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Il vient de sortir. Il est plus habitué au réseau. Bra Bra Squat. Ouais. Pour aller retrouver. Avec 2 A. Avec 2 A pour retrouver, avoir justement toutes les infos et découvrir peut-être ce clip qui arrive là dans les heures qui viennent. Ouais, de toute façon, il y a des vidéos où je fais des freestyles en fait dedans. Ouais, mais là, il va se mettre à fond. Il va se mettre à fond, il y aura des trucs carrés. C'est-à-dire qu'il y aura des clips, il a fait plein de sons, il a beaucoup d'inspi aussi. Donc il y a des clips qui vont arriver très très fortement. Et je vous dis, dans le Shaggy Squad, il n'y a pas que Gradure qui s'est rappé. Hein. Ah ouais. Donc le clip, il arrive ce soir vers 23h. Ah bah voilà, une heure précise. Sur mon compte YouTube. Sur le compte YouTube, vous suivrez aussi. Je vais le mettre sur ma page, Gradure officiel. Le compte de Gradure. Et le morceau qu'on écoute, il s'appelle ? Elle est bleue. Eh bah très bien, ça arrive dans un instant. C'est parfait. Ne bougez pas, juste après la pub, on vous attend au freestyle de Planète Rap. Cette semaine, vous repartez avec le jeu NBA 2K15. Il est pour vous sur PS3, il est dispo aussi sur PS3 et nous on file PS4. Et le meilleur freestyler de la semaine repartira peut-être aussi avec sa PS4. Je vous en parle dans un instant, bougez pas. Comme toi, Gradure a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec Gradure sur Skyrock toute la semaine, entre 20 et 21, et le Shaggy Squad ce soir. Bien bon. Entre 20h et 21h, on a un morceau à découvrir tout de suite. Ouais, on va mettre Bra Bra. Il y a les bleus. C'est voilà, le morceau avec 9-3 Montfermeil qui se sont déplacés. Ah, force. Vous êtes là ou quoi, les gars? Tout seul. Montfermeil. Pas tout seul. 9-3. Dédicace à Bora, s'enfermer. Et pour repartir, mon gars. Doki, on est ensemble, 5-9. Pour repartir avec des cadeaux cette semaine, il faut répondre à une petite question simple. 41-7-5-9, si vous avez la bonne réponse. Avec le hashtag Gradure sur Skyrock. De quelle ville nous vient Gradure? Simple, on en parle pratiquement tous les soirs, allez-y. 41-7-5-9, on balance ce son? Vas-y, c'est parfait. Bra Bra, prêt? Ouais. Allez, le clip arrive à 23h, c'est ça? Squad. Lordi ça, mais quand tu veux. De GS. Bra Bra, Bra Bra. Double S. Squad. Ouais, Montfermeil, vous êtes là ou quoi? Ouais, 5-9, vous êtes là ou quoi? Aïe aïe aïe. Ouais. Machine à billets, raté miné. Ils se demandent si j'ai signé, si c'est vraiment notre heure de dîner. T'aspect, je t'ai vu tapiner. Maintenant tu fais la belle. Ça joue pas devant tes pinko, elles savent déjà tout ce que je déquenne. Le quai de ces fils de pute veut pas me voir croquer. Ok, le poids c'est dans ton huc. Manque 2 secondes pour les choquer. Troc bloqués. Viens par ici, y'a de la camane, allez pas mal. Les glucoses, les fils ici, c'est de la fratrie, ça vient de banal. M'introduis dans ce rap game, joue à la bouche, les voix tous bouche-pés. Du toupé, recoupé dans le parking des boules en bouche-té. Le business fait discret. Arrête des disquets, fais le foutre dans tes plus cliquants, ton col clique, on pose le 17. Écoute les miaulés. Bastos dans les mollets. Je regarde son maçon comme est-ce qu'elle veut voir. Elle sait les violer. T'auras beau crier à l'aide, d'ici personne va t'épauler. Mère, pas besoin d'être soudé. Solo même gosse, je me mets dans la mer. 9000 ça pue les douilles dans la tête. Sirène et tofé, j'ai tous mérite. Tâche 24 bibli la résine. Brrr, y'a les bleus, y'a les bleus. Y'a les bleus, y'a les bleus. Sont nous violés, on encaisse tant que c'est de la monnaie. Mais ma sont affamés, veulent des liasses de cash qu'on donnait. Brrr, y'a les bleus, y'a les bleus. Brrr, y'a les bleus, y'a les bleus. Posez pépère, liasses de pépette. Détaille la quête-quête, prépare le quête-quête. Ils racontent que de la merde à croire qu'ils ont lu qu'à la place de la chevaux. Ils détestent nous voir avancer, c'est pour ça que j'ai regard chelou. Sinon, walou. Bolita des custom, plus giro dans mon rétro. Si je fais le flemmard, c'est que je suis susto. Y'a des tronlis dans la seque. On s'en bat les couilles des seufs. Dégage même si t'es chefré. Je rentre dans ce game, crèche tout le monde se tait. De décrier par les flics, crie ceux qui doivent du flic. Frigo vide, faut que je me presse de faire un billet. J'en place une pour mes bateaux, Black Ops, Rapsa et Méné, grand tillet. Raden est tout rendillé. L'homme ça va trapiller, blabla rafale en direct, bécane vélo c'est de la patate. T'inquiète, on sait t'accueillir, passe le salam à mes macaques. H24 bibi comme le backpack, fais gaffe ou tu pars mal, gros joint veut même en gardable. Mille, ça pue les douilles dans la tête, sirène et tofé, hey, tous méritent H24 bibi la résine. Y'a les bleus, y'a les bleus. Brrr, y'a les bleus, y'a les bleus. Personne nous violer. Qu'est-ce que c'est de la monnaie, mais ma carte sont affamés, veulent des liasses de cash qu'on donnait. Brrr, y'a les bleus, y'a les bleus. Brrr, y'a les bleus, y'a les bleus. Bra bra. Squad, squad, on est pas tous deux. Rostand. Mako 93. 370, squad. Fais l'homme zère dans le building. Wawa, frère. C'est Skyrock. Et le garçon s'appelle Brabra. On écoutait Y'a les bleus. À l'instant. Lourd. Le clip arrive tout à l'heure à 23h. Ouais, mais c'est pas le clip de celui-là. Ah, c'est pas celui-ci. Ouais, le clip, c'est le clip de la course aux billets. C'est un autre son. Il est très très lourd aussi. Très très lourd. Et bon, on ira cliquer pour découvrir un peu plus Brabra dès 23h. Allez faire un petit tour. Bien bon. Avec Gradure dans un instant, un autre live. Qui sera le premier à s'y coller? C'est NYDA. Du bruit pour Nito là. Ouais. Du bruit. NYDA. Ça arrive dans un instant sur Skyrock. Juste avant, il y a le freestyle par téléphone pour repartir avec le jeu NBA 2K15. T'as joué ou pas encore, Gradio? Non, j'ai pas. Ben, j'attends que tu m'offres la PS4. Ah, parce que. Ok. Tu veux tout, la totale en fait. Voilà. Okay. Walid, tiens, Sevran. On va dans le 9-3. Allo, Walid. Ouais. Ça va bien, Walid? Ouais, ça va, 13 piges, Walid. Ah. 13, prêt à rapper, prêt à kicker, à repartir 13. Avec son jeu. Je rappelle que cette semaine, il y a 5 instrus pour rapper. Il y a ceux de Clips, de Snoop, Busta Rhymes, Tribe Called Quest et Public Enemy. Toi, t'as choisi celui de Snoop. Ouais, Snoop. C'est des sons qu'on retrouve dans le jeu NBA 2K15. Eh ben, on t'écoute, Walid. C'est parti, session freestyle par téléphone. Ok. Je prends classe, je pars en retard, j'ouvre la porte de pied ferme, surveillant ma ferme, mon échange de quelques billets verts. Le temps c'est de l'argent, donnez-moi des heures de colle. Je fais plus d'argent que le prof, alors que moi je déconne. Tu peux me croiser au fond de la classe en train de la cause. T'es sur moi, j'attire l'œil de la nouvelle prof, que Dieu la pose. T'es sur moi, le prof de techno m'interpelle dans les couloirs, disant Walid, t'aurais pas un poste pour moi, sale bâtard. Passe la sarbacane si tu fais la sarbacane. À midi, c'est bon pour moi, la récré, je fais de la bécane. Le prof m'a menacé, ha, je ricane. Chez où il garde sa voiture, il me faut juste un jerrycan. Moi je dis pas non, si t'as un plan dépanne. Moi même pris en flagrant délit, je répète toujours c'est pas moi. Quoi ça, c'est pas moi. De toute façon je dirais pas moi, ce couteau il fait pas mal. C'est vous qui êtes parano, les mains en dessous de la table. C'est moi le plus gros sextote. Rendra pas la prof de maths, tout le monde criera sextote. Tu m'as balance pas grave, chez où il est ton pavillon en cours. Je suis comme Ben Laden, j'aime bien lancer des avions. Tu m'as balance pas grave, chez où il est ton pavillon en cours. Je suis comme Ben Laden, j'aime bien lancer des avions. pour un cambriolage, prépare ta lampe et tout ça. On finira les pieds en éventail à Lampedusa. Bienvenue à Sevran, y'aura pas de couci, pas de coussa. La ville d'Adama, Mohamed, Faouzi, Bakoussa. Si tu prétends bien m'aimer, fais-moi pas de crampes et tout ça. Fais très mal à la tête quand tu te manges un grand coup de batte. Jaloux, ne parle pas s'il te plaît, j'ai pas le temps pour ça. Genre, je suis trop petit. Mais on s'en fout de ça. Lucas m'en fout de sale, toi Lucas m'en fout de sale. Toutes les portes sont fermées, donne un pied de biche, on ouvre ça. On n'est pas difficile, nous un grec assis, on bouffe ça. À la sortie de la regarde, tu peux te faire rétu par Moussa. Walid, Sevran. Yes, à l'instant Walid. Lourd, lourd, lourd, lourd, lourd, Walid. Walid. Très très lourd, hey, c'est lourd ou pas Chegué? C'est lourd. C'est et lourd. Je rappelle que tous les freestyles seront postés la semaine prochaine sur la page, sur le blog, pardon, je pense de qu'il est en bonne position pour repartir avec la PS4. Position. C'est con, il va repartir avec ta PS4. Ouais. Ah ouais. Bon, donne-lui. Si c'est pour lui, donne-lui alors. Il faudra cliquer dès la semaine prochaine et en attendant, il y a le jeu NBA 2K15 et le maillot Adidas NBA. Il est pour toi aussi, on t'envoie ça. Bien bon. Force à toi, Walid. Ouais, ouais. T'as déjà fait des sons sur internet? Ouais, j'ai déjà fait. Tu tapes sur Facebook, Walid Sevran. Walid Sevran. Ok, t'as fait des sons sur YouTube? Ouais, j'en ai fait, Walid Sevran, pareil. Vas-y, je te partage, comme le frérot que j'ai partagé hier, je te partage ce soir, Yanis. C'est bon? Bien vu, bien vu. Vas-y, force à toi, gros. Éclate-toi bien avec la PS4. Et va à l'école, hein. Ouais, ouais. Parce que je vois que tu rappes dur, tu parles de jerrycan, tout ça. Au prof, va à l'école, mon frère. Force à toi. Bon, en même temps, c'est les vacances, hein. Voilà. Bon, okay, on est en léger. En léger, voilà. Voilà. Force. Allez, merci à toi, Walid. À l'instant, freestyle sur Skyrock. C'est parti pour la première partie du live. Vas-y, c'est parti. Quand vous voulez. Ouais, ouais. Billet vert. Un vert zoo. Grosse dédicace à tous mes gars. Si, si. Choisir, Nouveau Roubaix, Baltaz, Mahmoud. On est là. On est ensemble. Je sais pas si Bosquet. Dernier Loki, dernière plaquette, dernier Gucci. Les négros bis en bas des blocs, paye ça en Gucci. Brrrr. Chine à billets. Brrrr. Billets verts. Tout, tout. Pour la monnaie. Brrrr. Brrrr. Billets verts. Oh, hey. Depuis la naissance, on veut tous faire des housses, faire du flous, pas faire le hoot devant tes potos pour une saleté de pouce. Qu'est-ce que tu trouves? On veut péter le milli, elle est finie sans le fusil en cas de visite. Faut comme un débisi dans mon bitch, j'ai pas à l'usine. Faites un fusil pour vos copines, potos, je suis trop nuisible. Les négros dans la cuisine, coupe cette merde de ses buts. Faut qu'elle la bac, elle est stupide. Pour qui que ça brûle, pas vu que ça brûle et que c'est brut. La maille toujours avant les putes. Tout pour la monnaie, crois à tes sauts quand t'as déconné. Pour les types, les gros bonnets, mec, tu nous connais. Même pour une pièce, on va se cogner. Mais ensemble, on va les détrôner, tu connais. N-Y sur le track, fais tes bails, deal, business, croc ou pas. Cana ou crack, pétard, matraque. Putain, fais les choses bien et ramasse mon bien. Oh, j'aime pour tout niquer. Ces MC font trop pitié. Ça gratte la mythe, à croire qu'ils n'ont aucune dignité. Aucun respect si tu baves devant la liste. Reste lipo quand tu me parles. Si t'es brave, j'serai toujours dispo. J'suis pas obispo, mais j'veux bien ça, c'est ma. Avant qu'on m'assassine, Bibi ça m'assassine. Cela dans son facile, les petits on les fascine dans ma vue. On pense tous à faire du chiffre. Si t'es pas réglement, quand tu vas te manger des gifles. Que l'état suce mon chibre et l'état lâche l'autre fille. Passez pour mes négros, ne m'inquiète pas, vous serez libre. Enfoiré, j'mène une vie de loup. Tu veux m'avoir, te loup pas. Écoute, gars, pourquoi j'plaiderai coupable, tu deviens tout pâle. Tous calent, font les faux drag des fous. Se prennent pour tout pack. Bouge capule, crapuche, capuche, grimpe plus son trempe, le trou de balle. Bouge pas devant nous, sinon mon sens on va te blesser. Devant nous, sinon mon sens on va te blesser. Y'a du bruit derrière, tout le monde. Dernier Loki, dernière plaque et dernier bullshit. Les négros pis en bas des blocs, paye ça en Gucci. Brrr. Machine à billets. Tout le monde, tout le monde. Billets verts, tout pour la monnaie. Brrr, brrr. Billets verts. Billets verts. Billets verts. Billets verts. NVR. Pour la monnaie. Brrr. Billets verts. Grosse dédicace ouais, à tout le monde, vers vous. Et les vers Stéphane Assolé, vous oubliez quoi? Ouais, ouais, ouais, on est ensemble. Brandon, Steven, on est ensemble. Force, force, force à Nida. Nida, à l'instant, du Chegué Squad. Chicago, ouais, Nida, ouais. Toi aussi, rappelle-nous, on peut te suivre. Si on peut voir des vidéos, s'il y a du son qui ouais, est. Ouais, tu vas sur YouTube, tu tapes Nida, tu verras, j'ai déjà plusieurs. N-Y-D-A. N-Y-D-A. Il y a Instagram, Nida Inverzu. Le Facebook c'est Nida CSC, donc voilà, il y a toutes les informations à les suivre. Et ce morceau on peut le retrouver aussi sur YouTube, tu tapes Nida, remix Booba Billet Vert, tu vas le trouver. Et bah bien direct bon. On le trouve. Bien bon, en effet. Sur Skyrock, c'est la session là. On continue dans le ouais, live. Ouais, on va continuer avec Kypes. Lui aussi sort de tôle comme bra bra, je t'ai dit, il a faim. On a tous la dalle. L'anzala. On a faim. Le Chegué Squad avec Radio ce soir dans Rap. Bien bon. YSL, l'instru. C'est parti maintenant sur Skyrock. Kaipsa est au platine. Dans le Planète Rap de Gradure, le hashtag c'est Gradure sur Skyrock. Vous balancez tous vos messages. Allez-y. Bon, bon. Si, si. Hi. Punisher à la prod. Punisher. Et Sam. On va te mettre bien sur l'album, l'enfoiré. On est ensemble. Oui. Isakai. Almaga. La chaussette, hein, ouais. La chaussette. 59. Secta G. Chegué Squad. Chegué Squad. Yannick Doublé, Richou Zer, on est ensemble, ton homme. Milo. Je vais tous les grailler, souhaite-moi bon appétit. Pas sur votre planète, tu peux m'appeler E.T. Propos erronés, en gros tu me fatigues. Simple porte-parole, très peu activiste. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Tu veux me faire de l'ombre, tu verras plus le soleil. Fini de dormir sur un sonia, j'ai plus sommeil. Mozongo, Mozongo, gonfler les billets, les dorsaux écorcés. Hein, hein, c'est malheur enfoiré. Ouais, voyez, vous écartez, vous écartez. Impossible d'être correct, correct. L'état correct. D'esprit arqué, d'esprit, l'état d'esprit arqué. Ici on a tout fait, au final embarqué. Au final, au final, cette salope m'a tué. Tu es, vas-y, mais puce-les. Ils se demandent si je regrette. Vous faire enculer. Vous faire enculer. Débarque de la salle, dites en mode produit fini. Produit fini. C'est moi pas langue de bois, je veux tous les finis. Tous les finis. Finis ce rôle black music pour m'épauler. Pour m'épauler, qui me se limite à poil. En vrai, je suis vraiment culotté. Je suis vraiment culotté. Prends-moi pour un rookie, bientôt 10 bis que je perds. Demande à Philo Pesta. Depuis Yen de la rue, j'ai aiguisé ma plume explosive comme un gars. À Beyrouth. La puissance est camère, Congo, Baza. Ils sont pas à peur, c'est les gens longs, la crinière de Mufasa. Je t'ai fait t'installer, à cas coupé, décalé, ma salsa. On est tous que l'on s'aime, tout commence par une faille de coca. Fais tous les grailler, souhaite-moi bon appétit. Bon appétit. Sur votre planète, sur votre planète, tu peux m'appeler Iti. Iti, Iti. Propos erroné, en gros tu me fatigues. En gros tu me fatigues. J'ai plus porte-parole. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Tu peux faire de l'ombre, tu verras plus le soleil. Fini de dormir, je suis insomniaque, j'ai plus sommeil. Continue de boycotter, continue de les sucer. La roue tourne, compte à bourre à sonner. Sonner, sonner. Rebalance la sauce. Balance la sauce. Parce qu'on les baisse tous. Qu'on les baisse tous. Sur nos retranchements. Rafa de Bastos. Spectateur de ta paire. VIP passatrice. Certes, tu voulais qu'on donne aujourd'hui. Tu te plains contre la muse. Ouais. Plus rien ne m'impressionne. Ton passé, ton casier, ton cicatrice. Prends-moi les règlements compte. Bienvenue dans ma matrice. Je suis venu faire du ça. Pas là pour faire autrement. Mais toi à tirer mon blague. Regarde dans le ciel. Et toi filant. Caribs. Chez qu'est-ce qu'on a dans le building. Ouais ouais. Appuyez sur la détente. Détente. Ces chaînes m'ont pas vu venir. Ouais ouais. M'entraîne depuis l'adolescence. Depuis l'adolescence. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Pour moi c'est trop facile. C'est trop facile. Dribbler l'insu comme le numéro 10 du Brésil. Brésil. Brésil. J'suis venu tous les troubler. Pour toi c'est l'hospice. Ton avenir est troué. Souhaite-moi bon appétit. Pas sur votre planète. Tu peux m'appeler E.T. Propos erronés. Oh, en gros tu me fatigues. En gros tu me fatigues. Simple porte-parole. Très peu activiste. Ouais. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Appelle-moi E.T. Ouais, ouais, ouais. Tu veux faire de l'ombre. Tu veux faire de l'ombre. Ah, plus soleil. Brr, brr. Fini de dormir. Je suis insomniaque. J'ai plus sommeil. Chaque espoir, chaque espoir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Calice, c'est lourd. Médard, Une grosse dédicace à Cliff. Ce garçon s'appelle Kaïps. K-A-H-I-I-P-S. Et pareil, on peut te suivre Kaïps. On peut te retrouver un peu partout. On peut te suivre. Tu peux me suivre sur Twitter. West le Manifeste. Sur Facebook, c'est un H2IPS. Et sur Instagram aussi, c'est un H2IPS. On est partout. Partout. Voilà. Voilà. Et ce morceau aussi, on peut le. E.T., le morceau s'appelle E.T. Le morceau s'appelle E.T., ouais. Tu peux le trouver sur YouTube. Voilà. Très bien. Donc, c'est l'équipe du Shaggy Squad avec autour de toi. Mais j'ai l'impression que tout le monde est chaud. Est-ce que toi, tu repars en live, Gradure, ou est-ce qu'on met ouais, un morceau ouais, voilà. En live voilà. Shaggy Squad. Shaggy Squad. Hein ? Avec le Shaggy Squad ? Ouais, si, si, comme d'hab, tu connais. Oh, le planète rap de Gradure. Ouais, ouais, ouais, Zaka, entre 20 et 21. L'autre fille Romain, vous oublie pas, gardez ouais, la pêche, les frérots. Féroce ou Herbs, on est ensemble. Boraz, bien bon. Fouad Ramouni, leur dis ça quand tu veux pour les instruits, c'est parti. Ville juive, la ville de Cailleur, on est ensemble. Ah, ils sont bien. Non, non, non, bébé, s'il te plaît. C'est bébé, s'il te plaît, la prône. Poulop. Ouais. Okay. Balou. Ouais, ouais. Le charme. Radney. DK City, JDF. 140. GSPS, Koubé, Savini, c'est pas le joueur. Toi, petite salope, tu parlais de moi? Écoute ça, petit pélé. Écoute ça, enculé. Vas-y, pétasse, viens me la sucer, j'en ai marre de me branler. Vas-y, pétasse, viens me la sucer, j'en ai marre de me branler. J'suis avec Félo, mon quartier, avec sa graille du poulet. Vas-y, pétasse, viens me la sucer, j'en ai marre de m'enlever. Ouais, c'est vrai, je te l'avoue, j'ai pas le vécu, putain, que du ghetto. Mais je m'en bats les couches gays, ça m'empêche pas de faire kiffer en bénégro. Oui, c'est vrai, je fais plus parler du 5-9 que la putain de gauche à sa martyre. Va lui dire à cette pute de libérer ma estro, Zakaï et ma martyre. Détesté par les gradés dans mon taf, jalousé par les rappeurs du game. On s'en fout, on les baise, on les doggies, ils finiront sur la chaise électrique comme Boogie. Ça leur fait mal de voir un mec entrer, il rappelle la rue. Adulé par les groupies, miné, crapule, puff et barbu. Vas-y, arrête d'écouter, Gradure, je suis sûr qu'il tape avec les gars. Mais demande aux douaniers sur la route de Reims qu'ils ont trouvé dans mon putain de coffre. J'suis un soldat français corrompu de l'état comme Sarkozy. J'vais les allumer, tu sais péter, c'est pas des pierres que j'ai dans la gorge, c'est des balles de Uzi. Laisse-les croire qu'ils sont meilleurs que moi, en vrai ils sont pétés. Ils grattent des sous pour frimer dans leur clip, ils sont endettés. J'crois que j'vais calmer le game, non j'déconne, j'vais l'allumer sa merde. Ta mère, deux ans derrière, elle va ta sœur, mais Shigelo allumé sur la banquette arrière. Après Shigé, rafale dans un chelet comme un mitrailleur. Elle s'est rasé le minou à Hitler pour se faire baiser dans un PM de Rassaillon. Je viens de faire ce que personne n'a fait dans le rap, donc je comprends qu'ils me jalouent. Je leur en veux pas, c'est la nature humaine, laisse les jacter, c'est tabou. Ils bougent pas de leur check, s'ils font fumer des joints et cracher sur moi. Ça leur fait mal de voir leur fils et leur meuf chanter dans la nature. Ouais, ouais, je gradure, t'as pris la grosse tête, tu réponds plus trop à mes appels. Petit fils de pute, t'étais outre, galéré à l'hosto avec une putain d'adèle. Bah ouais, sale bâtard, hein, la grande tourne. Tu m'as rayé, je me suis cassé la jambe, mais maintenant je me suis relevé. Plus déter que jamais, prêt à toucher le sommet. Ta star a peur de moi en fit, elle sait que je vais la sommer. Comme un gars, chaîne déter de foot corner dans les villes de France, je veux m'implanter. T'es la cartel, je vais les faire écarter, représenter. Chouette, mon cartel. Maman, si ce bâtard t'aurais pas rendu les sous, voilà, je l'aurais plombé. Le rap, je m'emballe, mais j'ai commencé à palper, je peux plus laisser tomber. Y'a l'argent de mon salaire, des t-shirts et des concerts. J'investis une partie du bénéfice dans la beuh pour la pipi dans l'enceinte militaire. Faut que je fasse attention à ce que je dis, je sais que les gradés m'écoutent. Ils seraient capables d'appeler la canine pour la mettre sur mes corps. J'ai mis M. Roubaix sur la carte, ma bite et des gros doigts dans ta chatte. J'ai essayé de passer par derrière dans le cul comme un putain de 4-4. T'es qu'une grosse pute, tu me dégoûtes, je rentre dans ta chatte et je crasse et je tape. Totalement défoncé, je me tire avant le réveil, avant que tu verses des larmes. On n'est pas des PD, on croit pas les mensonges des meufs, nous on est des rages. Nique bien ta mère qui veut même plus toi, je te ferai la peau salage. Je rentre dans le club sur la vie de mon pote, toutes ces salopes me démarrent. Rends pas ton madame, j'ai pas besoin de ça pour niquer son thème. chérie, viens prendre ta photo en léger avec Chegué. On a relancé la mode des pop en léger. Prends des critiques de footeurs et lec. Ouais, tu parles toujours de la même chose. T'en as pas marre de te répéter. Oui, je parle pas de séquestration ou de meurtre. Moi, je préfère rappeler la vérité. Vas-y, pétasse, viens me la sucer. J'en ai marre de m'enlever. Vas-y, pétasse, viens me la sucer. J'en ai marre de m'enlever. J'suis avec Phénomène Scar et Greg Saga du poulet. Vas-y, pétasse, viens me la sucer. J'en ai marre de m'enlever. Vas-y, pétasse, viens me la sucer. J'en ai marre de m'enlever. Vas-y, pétasse, viens me la sucer. J'en ai marre de m'enlever. J'suis avec Fredo Oscar et Greg Saga du poulet. Vas-y, pétasse, viens me la sucer. J'en ai marre de m'enlever. Gradure, je suis d'accord pour le poulet, le reste on va en reparler. Le reste on va en reparler tranquillement. Bon, Gradure en live à l'instant sur Skyrock. Est-ce qu'on finit avec un morceau? Qu'est-ce qu'on fait pour conclure ce Planet Rap, cette deuxième soirée? Le 10? Le son des tractions, le son des pompes. On attend la vidéo de Fred. Ça arrive les gars, ça arrive. Regarde, j'ai déjà mis le t-shirt, je suis déjà dans le Chegué Squad. Il va falloir que je me muscle un petit peu. Et d'ici la fin de semaine, ça devrait aller. Si l'homme ressonde, si. Le Chegué 10, c'est parti? Ouais, c'est parti. L'on dit ça au platine. Chegué 10 maintenant. Bon NVR, Zou, je vous oublie pas. Les gars, va son. Chegué! Du gradure, fais des pompes, des tractions. Alarmé, j'avais mon femme, c'est la peur dans le casque. Ouais, sur un nom. Ouais, je répète, la peur dans le casque. Le petit gratis a changé de vue, mauvais garçon. Sur du gradure, fais des pompes, des tractions. Le petit gars, j'avais mon bloc et la peur dans le casque. Ouais, je répète, la peur dans le casque. Tous les chéguets font du mal. Ouais, fais attention. On s'en bat les couilles du rap game, tous ces rappeurs nous critiquent, ouais, c'est qui me craint, les gars. On s'y fera jamais comme eux pour rentrer en dur. Éduquez pas les mecs de tête, on les bloque des putains de caillards. Putain, mon son assis tous les négros en braquet. Bah, les couilles quand je monte en scène, rebeu, c'est la rue qui me baquait. Fais attention, autour de moi y'a plein de gens. Radio, c'est le plus gentil, mais derrière moi, les gros sont méchants, voilà. Quand je les écoutais sur YouTube, maintenant c'est Gradure qui frappe les néro-titudes. Je vais faire en 7 mois ce qu'ils ont jamais fait en 15 ans. Bah ouais, qu'ils sont jaloux. Bah tu crois que je plaisante? Tout checks m'a dit voilà, Gradure fait leur la misère. Rappel tout se péter dans mon régime en zère. Le game je lui ai mis dans le cul, il arrête pas de saigner. C'est pas ta balle ma pite, maintenant je vais signer. Ouais, ouais, ouais. Sur du Gradure fait des pompes de traction. Alarmé, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casque. Un peu dans le casque. Ouais, je répète, c'est un peu dans le casque. Le petit Gradure a changé, devenu mauvais garçon. Sur du Gradure fait des pompes de traction. Le petit Gradure, j'avais mon Glock et du shit dans le casque. Ouais, je répète, du shit dans le casque. Tous mes chéguets font du mal. Ouais, fais attention. Et le 25 février au Bataclan, allez pêcher vos places. Et demain je suis à Trash TV, au Trash TV Awards, ça va être lourd. Ouais ouais ouais, ok. Grosse dédicace à mon gars Yannis, la place du Pile à Bordeaux, on ensemble. Bien bon. Bien bon, c'est du bien bon. Bien bon, bien bon. C'est du bien énervé. Du bien énervé. Le Chegué 10 qui va être dispo là ce soir sur culture. Hauteculture.com. Donc je voulais vous rappeler le 25 février, ah bah il y a oui, l'espace affiché pour le Bataclan. C'est la nouvelle, c'est la grande nouvelle. Voilà, c'est la grande nouvelle. Donc c'est 25 février Bataclan. Premier Bataclan 25 premier Bataclan, février. Si Dieu le veut, ça va aller, ça et, va aller. Et les places sont déjà en vente ou ça voilà, elles viennent d'être en vente là. Donc ça veut dire que ça va s'arracher très vite hein, pour le ça le va s'arracher, ouais, ça va être lourd, ça va être lourd, ça va être. Et demain, je suis au Trace TV Award, ça va être bien. Regardez la télé. Trace TV, on va tout gel. Juste après l'émission, vous qui nous juste après l'émission, on ira, ben, on ira ensemble. Vas-y, parfait. Très bien, entre 20 et 21. Vas-y, parfait. À pas louper pour le Planète Rap et puis juste après à la télé. Voilà. Avec Gradure, c'est lourd, en c'est pleine c'est forme. Ça, je suis comme un bon, j'ai tout donné. C'est bien, t'as tout donné. 5-9, on est là. Montfermeil et Bosquet. Ça mouille le maillot. Ça mouille le maillot. Attendez. Ouais, toujours je mouille le maillot. À chaque concert, tout, 9-2, nanana. Chaque concert, je mouille toujours le maillot, frère. C'est donc loupez ça. Pas 25 février Bataclan et puis voilà. D'autres dates aussi qu'on vous filera. On va voilà. Remercier Brabra qui était avec nous. Brabra, grosse force à Brabra, tout le monde. Oui, oui. Grosse force à Nida, tout le monde. Nida qui était là. Grosse force à Kaïbs, tout le monde. Grosse force à Fred de Sky, tout le monde. Grosse force à Gradu. On n'est pas tout seul, force à toi Fred, on est ensemble. Merci à toi, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée événement de Soprano dans toute la France. Salut Sabrina de Neuilly en Teille dans le 60, ça va bien Sabrina? Salut Fred, ça va? Ça va, bah, tu l'entends, on est en pleine forme. Hein. Oui, c'est toujours une énorme ambiance sur Skyrock. Eh bah, ben, ça fait plaisir, bienvenue à toi, tu fais tourner la roulette, on y va dès que tu veux, il y a des places pour aller voir Soprano en tournée dans toute la France, la roulette tourne. Ah bah il y a du bruit aussi chez toi, hein, y a du monde. Et bah voilà, deux places pour aller voir Soprano en tournée 2015, c'est pour toi. Deux places, merci deux beaucoup places. Skyrock. Et bon, on te fait plein de bisous, passe une bonne soirée. Merci beaucoup, petite dédicace à mon chéri d'amour, c'est pour son anniversaire. Et Emery, qui tout juif, c'est la petite Chloé. Eh bah ça roule, bisous, passe une bonne soirée. Merci à Gradure et toute l'équipe du Chez Squad ouais, qui était là. Bien bon Chez Squad. Chez Squad. Et tous ouais. Ceux qui sont passés dans le studio entre c'est 20 lourd, et 21. C'est lourd. Demain soir, on met ça, il y aura encore du monde. Hein, demain. Voilà, il y aura XO, on n'est pas tout seul. Et il y aura aussi Black Brut. Ah, Black Brut aussi. Souma Semel. Souma Semel. Et grosse dédicace, les frères Chacal, je vous oublie pas. Ouais. À pas louper. Voilà. Et là, nous allons trouver Diffoul maintenant. Et oui, il est là. Il vient s'agiter ce soir. Ça va? Ça va pas mal. En forme? Mais écoute, pas mal. Bah, nous aussi, écoute, comme tu as fait longtemps. J'ai entendu. On a écouté tout ça là. Merci Gradure, tu viendras nous voir dans la semaine d'ailleurs. Vas-y, je viens de voir jeudi. C'est jeudi que tu viens? Ouais, je viens jeudi. Comme ça, Romano, il peut répéter les tractions, les pompes aussi. Parfait, on va faire un clip. Il y a du gabarit là. Ouais. Bon, Gradure, merci pour cette soirée. Demain soir, 20h, 21h. C'est toute la semaine, hein, jusqu'à vendredi, t'es là dans Planète Rap. Force. Et force aussi pour la soirée, là. C'est parti, au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler. On va se mettre le nouveau Black M, là, dans un instant. Tu l'as pas mis, Fredo? Non, j'ai pas eu le temps. Nouveau Black M. Il y a eu beaucoup de live, ouais, il est arrivé chez Emeric tout à l'heure, ouais. Ouais, et bon, on se le balance tout de suite après. Dans 30 secondes, une minute. Dans une minute, allez. Black M qui débarque. Vous tous, dès maintenant, au 01 53 40 30 20. Vous nous laissez vos messages sur le 41 759. On salue tous les messages pour Gradure. T'as vu, il y en a plein. Hein. Ah ouais, ça n'arrête pas de défiler. Salut à Alias, CR7. Salut à Janice. Tout ça, c'est pour toi, Gradure. Salut à Martel. Salut à Abdou. Salut à Ben C de Dubaï. Eh ben, nous, on en veut autant. Allez-y, faites-nous péter tout ça jusqu'à minuit. Gradure, le retour. Demain. Et à pas louper, allez Paris. Et match de foot à suivre aussi, oui. Nicosie contre le PSG, la poêle Nicosie, 0-0 pour l'instant. Ouais. Ça démarre il y a 4 minutes, on vous tient au courant de tout ce qui se passe sur le terrain tout au long de la soirée sur Skyrock. C'est parti, merci Fredo. De rien. Merci Gradure. Et coup d'envoi tout de suite, Radio Libre, jusqu'à minuit sur Skyrock. Ciao.